des différences. On a tous des ratures qu'on a laissées en silence. On cherche tous l'âme sœur, la vraie, celle qui ne nous jugera jamais. En toi j'ai trouvé plus que je n'aurais pu espérer, baby. Dans les joies, dans les peines, tu es là avec moi. Et quel que soit le problème, n'oublie pas quoi qu'il advienne, je t'aime, je t'aime. Notre amour est de taille, notre amour est plus fort que tout, tout. Tu es le seul qui m'aille, le seul qui m'aille. Notre amour est de taille, est de taille. Notre amour est plus fort que tout, tout, tout. C'est quand on va bien qu'on a besoin des gens qu'on aime. Toi tu étais là pour moi dans les joies, dans les peines, quel que soit le problème, tu es là avec moi. Et je t'ai